pas, mon pote, vide tes poches, il manque une part. Tu seras malheureux si tu te prends une balle. Ici la rancune part, le son de ceux qui veulent aller en boîte et rentre nulle part. Neurone à terre, pourtant je m'en fume pas. Désabusé, je veux pas être à la place de l'accusé ou être le bouc émissaire de la hit comme Saddam Hussein. J'arrive d'un monde où le droit chemin est pris à l'envers. On repart les pieds devant, on y vient la tête la première. Tous fâchés, tous se vendent, tous achètent. J'ai trop marché dans la merde et mes baskets ont besoin d'un coup de cachère. Y'a de quoi s'alarmer, tu fumais jouet, ne te prends pas pour Bob Marley. Parce que les flics ne vont pas trop tarder. Destiné à crever, pas de regret. On attend que ça crache le blé, apeuré à l'idée des barbelés. Tu me croyais mort, mais le fantôme a ressurgi. Y'a que de la haine et de la violence aggravée sur 10. La prochaine fois, je vous conseille de murer la tombe. Prêt pour l'apocalypse, car ma musique c'est l'hécatombe. L'ambiance est plombée, le plan B c'est strange. J'ai changé de sang, et certains vont en chier, car je suis venu représenter El Matador, guerrier des temps maussades. Funeste, t'es la mélodie du chant de mon sang. Rassé trempé d'acide et d'ammoniaque. Place à l'orage pour faire mal au rap, j'ai la dalle au mic. El Matador, découpage à l'oral. J'démarre au car pour la vie d'un car. Si le reflet de l'âme est dans le regard, attends-toi à voir tout niquer avant qu'il soit trop tard. Moi rappelle Casse-Bélier à l'autocar. Conduit par un cochonfard au chômage. Gros zonard passant du rêve au cauchemar. Tranche à l'osophage de l'otage. Un polar scénarisé par Ford Coppola. Une grosse dédicace aux potes dollars. Fumeurs ou sportifs qui se font les tibias sur les poteaux larges. Fuck les gros connards, Rokuma. Du soulet, de l'Huma, sans chouma. Si tout marche, faudra beaucoup de courage. Ici c'est tout pour rave, on veut les sous coupables. La justice a deux vitesses, mais des soupapes car on est tous coupables. Nous touche pas ou c'est tout pour toi. Partir loin du goulag, j'ai fou quoi. Ma bouche crache, des coups de lame, du charas. Pour Boula, les mouchards, nous poucaves. Centre-ville style, c'est de là que tout part. Zone Gambetta, Bordex, no why. Tu pars. El Matador, guerrier des temps maussades. Funeste, t'es la mélodie du chant de mon sang. Rassé trempé d'acide et d'ammoniaque. Place à l'orage pour faire mal au rap, j'ai la dalle au mic. El Matador, découpage à l'oral. J'démarre au car pour la vie d'un car. Si le reflet de l'âme est dans le regard, attends-toi à voir tout niquer avant qu'il soit trop tard. Ici un rap, elle mange la gamelle. Plonge pour agression, arraché de sa camelle. Ou vendre de la mêle, c'est la merde, échec d'intégration. Le repli communautaire se ressent comme dans les rues d'Harlem ou Jérusalem. Le début de la fin commence à peine, partout y'a la guerre. Il manquerait plus que le soleil s'élève à l'ouest. On aimerait que nos souffrances s'abrègent. Mes dents se blèchent, les dents à la pêche. Prêche à la belle, à trouver la brèche. Comme jadis le blasphème de Babel. De la mythologie d'Athènes au Big Bang et sa thèse. Foutaise à la dernière prophétie, j'atteste. Qui comprennent qu'en l'an 600 y'avait pas